La cérémonie d'ouverture du mois de solidarité avec le peuple coréen s'est déroulée le 24 juin à La Havane, Cuba. Y ont pris part les personnalités de l'Association d'amitié de Cuba avec les peuples, du Comité cubain pour la réunification coréenne et de l'Institut central des jeunes de volaille et d'autres habitants. Y ont été invités l'ambassadeur coréen à Cuba et ses collaborateurs. À la suite des discours, on a projeté les documentaires coréens qui a tracé la ligne de 38e parallèle et qui est l'auteur de la guerre de Corée.